Si je circule seul, la nuit, sur une chaussée non éclairée, je dois utiliser les feux de route. Je dois passer en feu de croisement lorsque je risque d'éblouir d'autres usagers, notamment si je suis un véhicule à faible distance ou si un usager arrive en face. Je n'ai pas le droit de circuler avec les feux de position seul, ni avec les feux de brouillard avant, car ceux-ci sont inefficaces dans de telles conditions de conduite. Réponse C.